Chapitre 6e. Combat. Arrivé à la porte de la chambre de sa mère, Édouard sentit un instant chanceler toutes ses résolutions. Combattre le monde entier ne l'effrayait pas, mais attaquer l'amour maternel lui faisait faillir le cœur. Cependant, après quelques minutes d'hésitation, il entre en invoquant le souvenir de Marguerite. Madame de Mérand donnait des ordres pour recevoir le lendemain la famille de Mademoiselle de Sancerre. Édouard se reprocha de n'avoir pas arrêté plus tôt un projet auquel il avait renoncé depuis le bal de la comtesse de Bruges, mais hélas, il venait de lire pour la première fois dans son cœur. « Je travaille à ton bonheur, » dit Madame de Mérand à son fils, après avoir congédié ses domestiques. « Je sais que vous ne songez pas à autre chose, ma mère. Hélas, je me prépare à céder mes droits à une autre, mais j'espère que tu ne perdras rien, et que Clotilde ne me fera pas regretter. » Clotilde, dit Édouard comme s'il n'avait pas compris. Mon ami, reprit doucement Madame de Mérand, il faut que je te fasse un dernier reproche avant d'abdiquer mon autorité. Tu es, depuis un mois, d'une distraction inconcevable et tu sembles toujours rêver à quelque chose de mystérieux pendant qu'on te parle. Mademoiselle de Sancerre elle-même l'a remarqué. Et tiens, au moment où je t'en avertis, tu as l'air d'avoir l'esprit ailleurs. C'est vrai, pardon, ma mère. Les mères pardonnent toujours, mais il faut se corriger pour les autres. Ces paroles furent prononcées d'un ton si doux et suivies d'un sourire si tendre qu'Édouard sentit une larme tomber sur sa joue. « Ma mère, dit-il après un instant de silence, il est donc bien décidé que cette réunion aura lieu demain et que nous y fixerons les conditions et l'époque de ton mariage avec Clotilde. Tu sais bien que cela est arrêté entre nous depuis longtemps. Est-ce que tu voudrais encore remettre, mon fils ?»« Remettre ?» Édouard avec hésitation. « À quoi bon » ajouta-t-il à demi-voix. « Qu'ai-je entendu ?» dit la mère. « Explique-toi. » Le jeune homme prit la main de Madame de Mérand avec une tendresse triste et solennelle. « Ma mère, vous n'avez pas pour m'unir à Mademoiselle de Sancerre d'autre motif que le désir de me rendre heureux ? Tu le sais, mon fils. Ainsi, vous n'hésiteriez pas à renoncer à ce mariage s'il ne devait plus assurer mon bonheur ? Ciel, est-il possible ? Il n'est que trop vrai, ma mère. Je n'aime plus Clotilde, ou plutôt, je ne l'ai jamais aimée. » Madame de Mérand croisa les bras et se laissa tomber sur un fauteuil sans pouvoir articuler une parole. « Édouard, s'écria-t-elle enfin, avec plus de surprise que de reproche, « tu l'as donc trompé ? Tu nous as donc trompés tous ? Je me suis trompé moi-même. Malheureux enfant, mais tu es engagé. Tu ne peux pas rompre ce mariage sans briser tous les liens qui unissent nos deux familles, sans compromettre l'avenir de Clotilde et peut-être son bonheur. Ma mère, interrompit Édouard, désabusez-vous sur ce point. J'ai lu au fond du cœur de Mademoiselle de Sancerre. Elle renonce à moi aussi facilement que je renonce à elle. Je suis même étonné qu'elle n'ait pas rompu la première. C'est dans cette attente que j'ai différé l'aveu que je vous fais aujourd'hui, et je suis obligé, pour m'expliquer son consentement définitif à cette union, de penser qu'elle ne m'épouse que pour jouir de la liberté que procure dans le monde un mariage de convenance. Elle est fort heureuse d'avoir tant de philosophie. Mais j'avoue que j'en ai beaucoup moins, et que je sens la nécessité d'aimer la femme dont je deviendrai le mari, de l'aimer d'un amour unique, profond et inaltérable. » Le feu qu'Édouard mit dans ces derniers mots et la vivacité des gestes qui les accompagnèrent furent une révélation pour Madame de Mérand. « As-tu donc trouvé celle que tu dois aimer ainsi ? » dit-elle en arrêtant sur le jeune homme un regard fixe et pénétrant. Édouard sentit ce regard entrer jusque dans les replis les plus cachés de son âme, et la confiance filiale remplaçant aussitôt chez lui la fierté de l'homme dont on a surpris le secret. Il se jeta dans les bras de sa mère et s'écria, en laissant couler ses larmes, « Oui, je l'ai trouvé, ma mère, je l'ai trouvé, et le bonheur ou le malheur de ma vie sont décidés à jamais. » Madame de Mérand fit de vains efforts pour rester digne et sévère. Elle ne fut que bonne et tendre. Elle demanda à son fils l'aveu de son amour comme une confidence plutôt que comme une confession. Alors, Édouard, dans un récit entremêlé de longs silences et de larmes, raconta tout ce qui se passait en lui depuis un mois, et nomma Marguerite Aubert. Ce mot seul rendit à Madame de Mérand toute sa fermeté. Il se leva avec la dignité d'un juge. Édouard sentit rentrer dans son cœur, comme autant de flèches, toutes les idées qu'il en avait violemment arrachées pour faire place à son amour. La famille et la société, ces deux grandes puissances qu'il avait résolu de terrasser, afin d'arriver à Marguerite, lui semblèrent tout à coup personnifiés en Madame de Mérand d'une façon si terrible qu'il eut le vertige et demeura comme anéanti. « Édouard, dit la veuve d'un ton qui interdisait toute réponse, je vous donne jusqu'à demain matin pour réfléchir à ce que vous m'avez dit et pour vous repentir de ce que vous avez fait. » Et elle sortit lentement de sa chambre, laissant le jeune homme écrasé sous une autorité dont il avait été loin de soupçonner le poids. Madame de Mérand, après avoir entendu le nom de Marguerite, n'avait pas cru avoir besoin d'autres explications pour régaler son fils comme plongé dans une erreur d'où il serait facile de le ramener. Elle comptait sur les réflexions qu'inspirerait à Édouard les mots sévères qu'elle lui avait laissés pour adieu, et sur les conseils que lui apporterait la nuit. Elle se trompa. La nuit est mauvaise conseillère pour un amoureux. Au lieu de faire fructifier dans la tête du jeune homme les paroles maternelles, elle ne fit que ranimer, par des rêves brûlants et des divagations sans frein, le feu qui dévorait d'autant mieux son cœur qu'il le lui livrait tout entier, comme pour se dédommager de sa longue contrainte. Seulement, le nouvel état où il se trouva à son réveil fut une sorte de milieu entre l'exaltation fougueuse qu'il avait rapportée de sa dernière visite à la mansarde de la rue de Varennes et la prostration morale où Madame de Mérand l'avait laissé la veille. Il y avait à la fois dans sa résolution quelque chose de sombre et de fébrile qui annonçait que l'amant de Marguerite n'avait pas vaincu M. de Mérand sans payer cher sa victoire. Le jour paraissait lorsqu'Édouard rentra dans la chambre de sa mère et s'approcha de son lit. Elle ne put s'empêcher de frémir en voyant le contraste que formait le bouleversement de ses traits et le calme profond de ses paroles. Mais croyant que la lutte intérieure dont elle remarquait les traces s'était terminée comme elle le désirait, « Eh bien, mon fils, dit-elle, tendant la main à Édouard avec tendresse et confiance, « Eh bien, ma mère, répondit ce dernier en baisant respectueusement la main de Madame de Mérand, Marguerite sera ma femme ou je mourrai. » Ce fut le tour de la mère d'être atterrée devant son fils. Elle retira la main qu'elle lui avait tendue et le regarda avec une attention douloureuse. Puis elle essaya quelques paroles, mais comprenant qu'elle ne faisait qu'ajouter de l'amertume ou de l'aigreur à l'obstination d'Édouard, elle fut réduite à s'avouer que la guérison du jeune homme, car elle le traitait comme malade, était au-dessus de ses forces maternelles, et que le seul moyen d'arrêter le mal était de l'attaquer dans sa cause par un de ces remèdes que substitue une souffrance à une autre. Les aveux d'Édouard avaient appris à sa mère qu'en déclarant son amour à Marguerite, il avait acquis la présomption plutôt que la certitude d'être payé de retour. Madame de Mérand fonda là-dessus son nouveau projet. Après avoir congédié son fils sans sévérité, elle sonna sa femme de chambre, se fit habiller à la hâte et se rendit chez le soldat de la rue de Varennes. Le vieillard était dans son grand fauteuil près de sa fenêtre en mansarde. Marguerite allait et venait dans sa chambre, achevant le petit ménage. Tous deux furent grandement surpris de voir entrer Madame de Mérand. Elle avait cessé de les visiter depuis qu'il n'y avait plus de douleur à consoler chez eux, et jamais elle n'était venue à pareille heure. Il n'était donc pas difficile de soupçonner quelque mystère grave dans cette démarche. L'oncle et la nièce devinèrent en même temps qu'il s'agissait d'Édouard. « Madame désire me parler, » dit le vieillard après avoir salué non sans effort en se soulevant de son fauteuil. « J'ai à vous parler à tous deux, » répondit la veuve. Et elle retint Marguerite qui s'apprêtait à se retirer pour obéir au geste de son oncle. Tous trois s'assirent, et Madame de Mérand entra aussitôt en matière comme une personne qui n'a pas une minute à perdre. « Monsieur le roi, j'ai l'habitude de ne parler qu'à Dieu, pour la remercier, des services qu'il me permet de rendre à des gens aussi honorables que vous. Vous êtes l'homme à qui je crois le moins nécessaire de recommander la reconnaissance. Cependant, je viens vous rappeler le bien que j'ai pu vous faire et vous en demander la récompense. Madame, reprit le vieux soldat, c'est à vous et à votre fils que je dois de vivre encore. Demandez-nous tout ce qui peut être en notre pouvoir. Je pense que je ne vous apprends rien, ni à l'un ni à l'autre, en vous disant que Marguerite a inspiré à M. de Mérand un sentiment plus tendre que celui de la bienveillance. » Le soldat murmura une affirmation respectueuse et la jeune fille sentit tout son sang affluer vers son cœur. « Mes amis, reprit Madame de Mérand avec une dignité douce et paisible, je ne crois pas avoir besoin de vous persuader que ce sentiment n'est qu'un malheur et ne peut avoir aucune suite. » « C'est ce que nous avons pensé d'abord, madame, répartit le vieillard avec empressement, et j'ai osé hier faire observer à M. de Mérand, au nom de ma nièce et au mien, qu'il ne devait plus la voir. » Le ton dont ceci fut prononcé et le silence passif de la jeune fille apprirent à Madame de Mérand ce qu'il fallait penser de ces mots, au nom de ma nièce et au mien. Elle remercia par un regard le vétéran de sa feinte prudente. et s'en rendant aussitôt complice. « Mademoiselle, dit-elle à Marguerite, je ne doutais pas que vous n'unissiez aux vertus rares et précieuses dont vous m'avez vu rempli assez de sagesse et de raison pour ne voir qu'une exaltation passagère dans la passion de mon fils. Mais de même que vous possédez les qualités qui excusent son erreur, vous avez à votre disposition les moyens de l'en faire revenir, et je préviens sans doute vos désirs en vous demandant de les mettre en œuvre. » Marguerite était trop troublée pour bien comprendre où Madame de Meyron voulait en venir. Mais elle avait le pressentiment qu'en se prêtant aux volontés de sa bienfaitrice, elle se jetterait dans une position fausse et affreuse. Aussi hésitait-elle à répondre, et fallut-il un regard impérieux de son oncle pour lui arracher des lèvres ces deux mots. « Parlez, madame !» qu'elle prononça de l'air d'une victime qui ratifie son arrêt de mort. « N'y a-t-il point, reprit la veuve, quelque jeune homme qui ait demandé et à qui l'on a promis votre main ?» Marguerite se tut, mais le vieillard répéta ce qu'il avait dit la veille à Édouard sur son projet de marier sa nièce à Daniel. « Eh bien, continua Madame de Meyron, voici une voie aussi sûre que simple pour arriver à notre but. » La jeune fille commençait à deviner, et ces mots « notre but » lui déchirèrent le cœur comme une sanglante ironie. « Tu comprends, Marguerite, ce que désire Madame ?» demanda le soldat d'une voix faible, car l'émotion qui accablait sa nièce commençait à le gagner, et il craignait que la pauvre enfant n'eût pas la force d'achever son sacrifice. « Oui, je comprends, » répondit-elle en étouffant un sanglot dans sa poitrine. « Il s'agit, » reprit Madame de Meyron, « d'écrire deux mots. « Ouvre le secrétaire, mon enfant, tu trouveras tout ce qu'il faut, » dit le vieillard. Et il se tourna pour essuyer une grosse larme tombée sur sa moustache. Marguerite se leva, s'approcha en chancelant du secrétaire, l'ouvrit et s'y appuya pâle et défaillante. « Allons, » ajouta son oncle, « tâche de ne pas faire attendre madame. » « Madame voudrait-elle me dicter ?» demanda la jeune fille qui sentait sa tête se perdre et dont les doigts pouvaient à peine soutenir la plume. Madame de Meyron hésita une minute et fut tentée de suspendre un supplice où elle allait en quelque sorte remplir l'office de bourreau. Mais appelant à son secours sa conscience, sa raison et le souvenir de son fils, elle dicta à Marguerite la lettre suivante. « Monsieur, après la déclaration que vous m'avez faite d'un sentiment que j'étais loin de soupçonner, mon devoir et le besoin de mon cœur me font une loi de vous apprendre que je ne puis ni approuver ni partager votre amour, ayant depuis longtemps et pour toujours donné mon cœur à l'homme qui doit être mon mari et qu'il est sans doute inutile de vous nommer, Marguerite Aubert. » Voyant le courage de la jeune fille finir, pour ainsi dire, avec le dernier mot de cette lettre, Madame de Meyron la remercia avec une véritable et profonde reconnaissance et se hâta de sortir. Il était temps. La porte ne s'était pas refermée sur elle, que Marguerite tombait évanouie dans les bras de son oncle. Une demi-heure plus tard, Édouard reçut la lettre. Après en avoir lu la signature avec un transport de joie inexprimable, il crut rêver en parcourant le reste, qu'il relut plusieurs fois avant d'en croire ses yeux. Enfin, voyant qu'il n'y avait aucun moyen de douter, il se dit que cette lettre cachait un mystère. Il court rue de Varennes et sonne à la petite porte que Marguerite lui avait si souvent ouverte. Cette dernière, qui était encore seule avec son oncle, se lève au bruit qu'elle reconnaît, mais le vieux soldat ferme jusqu'au bout et, comprenant qu'il touche à la dernière crise, retient la jeune fille du regard autant que de la main. Marguerite, sûre qu'Édouard est là, commence à frissonner devant une confirmation affreuse. Il sonne de nouveau et n'entend rien. Enfin, d'une main convulsive, comme celle du naufragé qui saisit la dernière planche de salut, il sonne une troisième fois. Rien encore. « Oh, c'est donc vrai !» s'écrie le malheureux en se laissant glisser le long de la rampe de l'étroit escalier, pendant que Marguerite s'écriait de son côté en s'arrachant trop tard au bras de son oncle. « Hélas, on veut nous tuer, tous les deux !»